voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'écoutais. J'ai un oiseau qui chante en frétillant des ailes. J'ai un oiseau qui chante rien que pour toi, ma cannelle. J'ai un oiseau qui chante sans jamais se lasser. Sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir